petit pays au moins. Qui sera passé à cité à bon Dieu? Si mon école yo peut pas étudier, en famille adoptée ça qu'a pleuré. Mais ça qui passe à petit pays au moins. Un petit pays qui a coulé si douce. Si mon école yo tout en danger. En famille adopte, ni sa qu'a tremblé. Wow, wow, Guadeloupe ou passé, Martinique ou passé, la Guyane ou passé, Dominique ou passé, Saint-Martin ou passé, Réunion ou passé, Dubatou ou passé. Mani, mani melodie encore. Tout pour nasser.